Esther Gabrielson, ma marraine. Théodore Onguema Obiang, le modèle de la jeunesse africaine. Natasone Nengelena, Owane Yembadi Dambolena, Owamoka Kanenomba. Lena Owa Ota Nobelena Ndoloe, Ndolango et Timbi Ponde. Liliane de Mazok, une femme efficace. Owane Ponde Oka Kanembadi Lamboe. Annie Beauvais, manager des grandes stars. Odi Medi Dena Di Bomba Di Mide Dio. Imatimba Ponde Itoe. Émilie Diabelle de Hambourg, la maman de Chanel et Pharrell. Ça va? Master Ivo de Yaoundé, amène-moi partout, s'il te plaît. Oh, no kakanemba di lamboe. Les nobles non de l'homme ou maman. Odi medisona di bomba di minde di yopon. Di matima ponde itoe. Oye bele bemba to punya to bay semba yo maje. Natu kono mongele. Evanjana na timbi ponso kusa di lambolena. Mle mama mi mtimbi obe musanga. Mani tansawo. La fille a papa. Mwene sonde o kakanemba di lamboe. Les nouvelles non de l'homme mio. Odi medi nena di bomba di minde di opon. Timba timba ponde itoe. Itoe, itoe. Itoe, itoe. Itoe, itoe. Itoe, itoe. Itoe, itoe. Itoe, itoe. Itoe. Oui, belle bemba to munya na imalabe. Dinge dinga wa mene ima tompone. Wa mwibele pemba tompunya na ima labe. Dinge dinga wa mene ninye sende wa milae. Amos Tono Bagan, mon parrain depuis la Guinée équatoriale. Mwibele pemba tompunya na ima labe. Dinge dinga wa mene ima tompone. Mwibele pemba tompunya na ima labe. Elle fait du Dieu, le mouvement est fort. Votre maman est encore en piste. Annie Barla et Nathalie Ekoyoba, des femmes sacrées. Et Jean Lolo François, un homme très élégant. Mila e, mo e ni yese so wa mila e.